sale, ça sent pire. Tous parlent d'un empire, hein. Tous parlent d'un empire, hein, ouais. Yeah. Connaissent pas mes intentions et parlent trop vite. Tous fils d'Adam dans le même tartine. C'est pour mes frères du Proche-Orient, péninsule arabique, l'Occident jusqu'à l'Afrique. Qu'est-ce que tu parles d'agression, State United, en jurant sur des bombes atomiques, fornication pornographique, des fausses relations ethniques. Pas question de lâcher l'affaire face aux hypocrites. La seule chose qu'on espère, c'est que grand maître nous guide dans ce monde austère où l'orgueil parasite. Le cœur de l'homme se fatigue. Arrête de dire que le 06 c'est le cœur, le trip. L'humanité, le moteur, c'est limite. Iblis, déshonneur ton fric. Les textes, mauvais cœur, j'évite. On croyait que le bonheur se trouve à l'est, l'équipe. Où le feu, la braise, tes frites. Où les frères de religion te mettent à l'aise et demandeurs décryptent. Lève ton index, annonce le grand maître unique. Où l'on m'agresse dans le visible. La sagesse reste énigmatique. Je pose mes 16 quand te star type. Et au fond, je suis comme toi, je flippe. Les questions que je me pose, vous savez rien. À quoi ça sert, tu parles pour rien. Ils veulent des roses qui poussent de rien. Attends que j'explose, vous verrez bien. Les questions que je me pose, vous savez rien. À quoi ça sert, tu parles pour rien. Ils veulent des roses qui poussent de rien. Attends que j'explose, vous verrez bien. Écoute Cupid, c'est pas la peine de te faire la guerre. Je crois que je vis sur les nerfs. On a le swing et toi la ferme. Avec Sam, des HEF, mon partenaire. Mes amis qu'on parle de même. Nous on parle de maître, non on parle de merde. Que le grand maître nous guide, pas les frères. Je traverse, parcours la terre. Lui seul qui peut me satisfaire. Corrige nos cœurs avant que la mort ne plonge du telle hauteur. Qu'on évite les flammes de l'enfer. Qu'on vise le paradis, dix fois la terre. Pas de prolifique en solitaire. Je répète mon coup trop solidaire. Qu'est-ce que tu parles de crime humanitaire? Je te fous en l'air. Ta politique qui me parle de fer. Médite sur ma Jupiter de fric monétaire. Et merde, il touche à mes affaires. Alors tu demandes qui suis-je comme toi mon frère. R-A-Z-I. Les questions que je me pose, vous savez rien. À quoi ça sert, tu parles pour rien. Ils veulent des roses qui poussent de rien. Attends que j'explose, vous verrez bien. Les questions que je me pose, vous savez rien. À quoi ça sert, tu parles pour rien. Ils veulent des roses qui poussent de rien. Attends que j'explose, vous verrez bien. Verrez bien, ouais. Les questions que je me pose, vous savez rien. À quoi ça sert, tu parles pour rien. Ils veulent des roses qui poussent de rien. Attends, j'explose, vous verrez bien. Le mic R-A-Z-I, Wallace. Et ouais, on est là, yeah. Ah. Systématique. Gargal, F-U-L.